الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala l'explication du livre intitulé Ahkam Manasik al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat al-Masjid al-Nabawi, Cheikh al-Allama al-Imam al-Kabir Cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. Donc, comme on l'avait dit au départ, on n'est pas encore rentré dans la lecture du livre en lui-même, c'est-à-dire de l'écrit du Cheikh de l'Islam sur ce sujet qui, donc, a pour but d'expliquer les règles de jurisprudence concernant le Hajj, mais également la Umrah, et également la visite de la mosquée prophétique. On a dit que, donc, comme préliminaire, dans l'introduction, on allait citer certains points pour faciliter ensuite la compréhension de ce que va dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et ça, c'est à titre de synthèse, pour que la personne, lorsqu'ensuite elle plonge dans la lecture, qu'elle sache quelles sont les conditions, quels sont l'arcane, les piliers, quels sont également ce qui rentre dans les sunan, dans al-wajibat, al-mahdhurat, mahdhurat al-ihram, plus précisément, que ce soit clair pour elle, et que elle sache ce qui va rentrer donc dans ces différentes catégories, que ce soit donc al-arkan, al-wajibat, sunan ou mahdhurat al-ihram. Donc on continue ces préliminaires, ensuite on commencera la lecture du livre. Pour ce qui est donc de al-arkan, arkan al-hajj, arkan al-hajj qu'on va retrouver donc à travers le livre, elles sont au nombre de 4. Donc al-arkan, ce sont donc les piliers du hajj. Pourquoi on les a nommés donc piliers? C'est tout simplement que si la personne, elle omet, elle ne fait pas un de ses piliers, que ce soit par oubli ou autre, alors son pèlerinage ne sera pas valide. Son pèlerinage ne sera pas valide. Le premier, c'est l'ihram min al-miqat. On va voir ce qu'on veut dire par l'ihram. Donc, se mettre en état de sacralisation au moment où on passe aux limites. C'est-à-dire ce qu'on appelle al-miqat. On va revenir également sur le terme al-miqat. Donc al-ihram min al-miqat, ça c'est le premier pilier du hajj. Deuxième pilier, tawaful ifada. Tawaful ifada. Le tawaf de al-ifada. Ça c'est le deuxième pilier. Ensuite le troisième pilier, as-sa'i bain as-safa wal marwa. Donc parcourir la distance entre le Safa, donc la montagne qui s'appelle Safa, et l'autre qui s'appelle Marwa. Faire le va-et-vient entre ces deux montagnes, Safa ou Al-Marwa. C'est également le pilier du Hajj. Et le quatrième pilier, Al-Wukuf bi-Arafa. Al-Wukuf bi-Arafa. C'est-à-dire donc, stationner à Arafa. Ça c'est les quatre piliers. On va retrouver dans le livre. Sachant que certains savants, ils vont rajouter encore un pilier à la Koulihal, on va pas rentrer maintenant dans toutes les divergences. À la Koulihal, on retient ces quatre piliers. Al-Ihram min al-Miqat, Tawaf al-Ifada, Sa'i bain al-Safa wal-Marwa, Al-Wukuf bi-Arafa. Si une de ces quatre choses n'est pas faite durant le Hajj il devient invalide. Le Hajj il devient invalide. Donc on voit que l'arcane al-hajj, c'est comme l'arcane al-salah. Si la personne, par exemple, elle ne fait pas un des arcanes de la prière, alors sa prière sera invalide. Taïb. Ensuite, on a le wajibat. Wajibat ou al-hajj. Donc maintenant, les obligations du hajj, qui sont au nombre de 7. Qui sont au nombre de 7. Et lorsqu'on dit wajibat, quelle va être la différence entre al-wajibat et al-arkan, c'est qu'al-wajibat, si on oublie de faire un wajib, on n'a pas pu faire un de ces wajib, alors le hajj, il n'est pas invalide, il reste valide, mais il y aura une compensation. Il y aura une compensation. Donc, ad-dam, donc ce qu'on appelle le sang, qui égorge un mouton, ou alors, également, le jeûne. Donc ça, c'est des compensations. La personne qui a oublié de faire un wajib, ou qui n'a pas pu faire un wajib, cette personne-là, son hajj, il n'est pas invalide. Mais elle doit donc compenser par ad-dam, ou par siyam, c'est-à-dire par une compensation. Et c'est ce qu'on verra également tout au long du livre du shir de l'islam. On a dit au nombre de 7, et donc on fait bien la différence ici entre al-wajibat ou al-arkan. On fait bien la différence entre al-wajibat ou al-arkan. Pour ce qui est d'al-wajibat, al-ihram min al-miqat. Al-ihram min al-miqat. Ça c'est wajib. Donc maintenant on va se poser la question. On a déjà vu al-ihram min al-miqat qui est rentré dans l'arkan. Comment ça se fait? Et donc ici on va préciser pour ce qui est donc de Arkan al-Hajj, ce qui rentre dans les piliers lorsqu'on dit l'Ihram min al-Miqat, al-Maqsoud, ce qui est voulu par ça, c'est l'Ihram min niyat al-Nusuk. Min niyat al-Nusuk, c'est-à-dire l'intention de faire le rite. Avoir l'intention de faire le rite. Au moment donc, on va avoir cette intention-là, Taïb, à ce moment-là donc, c'est par cela qu'on va rentrer dans l'Ihram avant toute chose, c'est-à-dire par cette intention. Niyat al-Nusuk. Ça rentre dans les arcanes. Par contre, l'ihram min al-miqat, c'est ce qu'on va voir et ce qu'on va détailler à travers le livre, ce qui rentre donc dans al-wajibat, c'est-à-dire ce qu'on doit faire durant al-ihram, ce que l'on doit faire durant al-ihram, comme par exemple le fait de ne pas porter des choses qui vont être taillées par rapport au corps, par rapport au membre. Taillé. Donc si la personne elle dépasse l'ihram, petit exemple. Alors que, au moment où elle passe le miqat, elle a eu sa niya. Elle a sa niya donc de faire l'ihram. Et qu'ensuite donc elle fait un acte ou un geste. Un acte ou une parole. Et qu'à ce moment elle devient donc muhrim. Et qu'elle garde par exemple un pantalon, à titre d'exemple. À ce moment-là, elle a fait son look par rapport à sa niya. Par rapport au fait qu'elle est rentrée en état de sacralisation. Mais elle a délaissé un wajib qui était le fait donc de délaisser à ce moment-là le pantalon et de mettre les habits qui convenaient. Donc, si elle dépasse avec cela, alors ensuite, son hajj, bien entendu, s'il n'est pas invalide, il va être valide, mais elle devra faire ce qu'on appelle la dam, c'est-à-dire elle devra une compensation, etc. On voit la différence qu'il y a entre les deux. Ensuite, le deuxième, al-wukuf bi'arafa naharan ila ghurub al-shams. Al-wukuf bi'arafa naharan ila ghurub al-shams. Et donc, bien entendu, la différence également ici qui est entre al-wukuf bi'arafa, qui est entré dans l'arkan, et ici al-wukuf bi'arafa, c'est le temps. C'est-à-dire que le rukn, le pilier du hajj, c'est le fait de stationner à Arafat. Taïb. Mais là, on n'a pas cité une durée bien précise. Le principal, c'est de stationner à Arafat. Le moment où on a arrivé à Arafat, on a stationné à Arafat, même une courte durée, on a donc concrétisé le pilier. Par contre, ici, ce qui va entrer dans le wajib, c'est le fait de rester naharan, c'est-à-dire durant la journée, ila ghurub al-shams, jusqu'à que le soleil, il se couche. Inch'Allah, on va revenir à tout ça durant la lecture du livre. Le troisième, al-mabit bi muzdalifa. Al-mabit bi muzdalifa. Donc al-mabit, c'est-à-dire rester la nuit à muzdalifa. Ça rentre dans al-wajibat. Ça rentre dans al-wajibat. Al-mabit bi muzdalifa. Ensuite, le quatrième, Rami al-Jimar, Murattaban, c'est-à-dire qu'on doit donc lancer, donc aux différentes stations qu'on appelle al-Jimar, en ordre, c'est-à-dire qu'on doit le faire en ordre, ça c'est une obligation. Rami al-Jimar, ça rentre dans les obligations, ça ne parle d'arcan, on doit les faire, Murattaban, on doit les faire donc en ordre. Ça c'est le quatrième. Pour ce qui est du cinquième, al-Haq, al-Taqsir. C'est-à-dire qu'on doit ensuite se raser, ou alors se couper les cheveux. Se raser ou se couper les cheveux. Soit le halq, se raser complètement, ou se couper les cheveux, taqsir. Ça rentre également dans les obligations. Le sixième, elle m'habite bimina ayam tashriq, c'est-à-dire rester donc durant les nuits, amina, pendant les périodes des jours qu'on appelle ayam tashriq, les jours du tashriq. Ensuite le septième et le dernier, tawaf al-wada, tawaf al-wada, lorsque la personne elle quitte donc Mecca, elle retourne dans son pays, dans sa région, et qu'elle délaisse Mecca, qu'elle a fini son hajj, elle doit faire donc obligatoirement le tawaf, ce qu'on appelle le tawaf al-wada. Ça c'est le septième et le dernier. On se en fait sept. Al-ihram min al-miqat, al-wukuf bi-arafa, naharan, durant la journée, il a roulé jusqu'à que le soleil se couche. Elle m'habite, bi-muzdalifa, donc rester la nuit à Muzdalifa. Rami al-jimar, murattaban, qu'on doit jeter, entendu les pierres, ce qu'on appelle al-jimar, murattaban, c'est-à-dire en ordre. Le cinquième, al-haq, ou taqsir, pour se couper les cheveux, pour se raser les cheveux. Le sixième, elle m'habite, bimina, ayam al-tashriq, donc rester à Mina, rester la nuit à Mina, rester la nuit à Mina durant les jours du tashriq. Et le septième et le dernier, tawaf al-wada'a. Tawaf al-wada'a. Ensuite, pour ce qui est des mahvourat al-ihram. Mahvourat al-ihram. Bien entendu, ce que la personne ne doit pas faire lorsqu'elle est en train de sacralisation. Et donc, durant son hajj. Durant la majeure partie du hajj. Ce qu'elle ne devra donc pas faire lorsqu'elle est en train de sacralisation. Mahvourat al-ihram. Donc, les interdictions. Mahvour. ce qu'on traduit également par interdiction. Mahvourat al-ihram. Il y en a six ici. Le premier, c'est l'abs al-makhit, les rijal. Al-makhit, ça vient du khayt, le fait de coudre quelque chose. Vous pouvez comprendre ce terme. C'est-à-dire que certaines personnes, elles croient que le fait qu'on a mis sur notre corps, qu'on s'est habillé sur notre corps une chose, où il y avait une couture, automatiquement on est rentré dans le mahvourat. En réalité, c'est pas ça. C'est un terme qui est employé par les fuqaha, les jurisconsultes, parce qu'il y a le mahrit. Et ce qu'il veut dire précisément, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre un habit qui va être yani mufassal ala qadr al-a'dha, qui va être en réalité confectionné ou alors fait en fonction des membres du corps. Comme par exemple un pull, à titre d'exemple un pull, comment c'est fait un pull? Un pull ça vient des manches, donc c'est bien fait suivant les membres. Il est bien conçu, il est bien fabriqué suivant les membres. C'est-à-dire qu'il y a les manches, il y a le col, il est fait suivant le membre, recouvrir le membre. Et ce qu'on appelle mufassal, mufassal. Que ce soit cousu ou pas, que ça a été cousu ou pas. C'est-à-dire même si ça a été fait d'une technique de notre manière. Le principal, c'est qu'au moment où on va le mettre et qu'il recouvre donc exactement en partie nos membres, c'est-à-dire quand je dis recouvrir, il faut être précis, c'est-à-dire que c'est mufassal. Le terme en arabe, c'est mufassal, qadr al-a'dha. C'est-à-dire que on a bien les manches du pull, etc. ou autre. On voit bien que ça va être fait donc suivant le corps exactement. De même, pour ce qui est du pantalon. Le pantalon, on voit bien que il va avoir donc les deux parties du pantalon qui sont donc faits, qui sont conçus pour les deux jambes. Taïb. On voit ça, c'est bien fait suivant les membres du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle en réalité le mahrit. C'est le mufassal à la qadr al-a'dha. Si par exemple également la personne, elle avait pris les deux pièces que mettent généralement ceux qui font la Umrah, ceux qui font le Hajj, lorsqu'ils se mettent en état de sacralisation. Si par exemple, ces pièces-là, elles étaient faites exactement pour le corps, alors on rentrait dans ce qui est al-mahrit, ça serait donc interdit. Et c'est pour ça qu'on voit que ces deux pièces, c'est des pièces de tissu. Ces pièces de tissu qui sont, sur les étalés, elles sont rectangulaires. Donc elles ne sont pas faites suivant, elles n'ont pas été conçues suivant les membres. Le contour des membres. Ça, c'est la différence. À comprendre ce qu'on dit al-mahrit. Ça ne veut pas dire que, automatiquement, il va avoir un point de couture, etc. Donc là, c'est le mahrit, l'irjal. Ça, c'est spécifiquement aux hommes. Parce que la femme, elle a le droit. La femme, elle a le droit donc de porter ce qu'on a cité. Al-akhd bi-sha'r. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre de nos poils. C'est-à-dire de s'épiler ou alors de couper, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, taqlim al-adhafir. On n'a pas le droit donc de se couper ou de se ronger. Se tailler les ongles. Le quatrième, tartiyatul ras lirrijal. On n'a pas le droit donc de se recouvrir en étant de sacralisation la tête. Ça, c'est également spécial pour les hommes. Tandis que la femme, elle a le droit. Par contre, la femme, elle n'a pas le droit donc de mettre al-niqab. Yani tashud al-niqab. Bima'la. On a pris le hadith qui est mutafaqun alayhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tantaqib al-mar'a al-muhrima ou la talbis al-qaffazain. C'est donc la femme, elle n'a pas le droit de mettre le niqab. Quand on dit le niqab, c'est donc le voile qu'elle va mettre pour cacher son visage. Mais lorsqu'on dit niqab, c'est-à-dire qu'automatiquement, ce voile-là, elle va le resserrer. C'est-à-dire quand elle le met devant son visage, elle est obligée donc de le resserrer derrière, autour de sa tête. Donc à ce moment-là, soit par exemple, là, il y a deux morceaux de tissu derrière qui vont faire qu'elle va pouvoir donc l'attacher. Elle va attacher donc cette... comme un bandeau en fait, comme un bandeau qu'on mettrait sur le visage, comme un bandeau qu'on mettrait sur le front. Lorsqu'on met un bandeau, automatiquement on le rattache par derrière. C'est ça qui rentre dans l'interdiction. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas le droit donc, elle n'a pas le droit donc de resserrer ce voile pour donc le fixer devant son visage. Et elle n'a pas le droit de mettre ce qu'on appelle les gants. Elle n'a pas le droit donc de mettre des gants. Elle doit laisser donc ses mains sans gants. Taïb, ça c'est pour ce qui est de la femme. Pour ce qui est de l'homme, on a dit, ça rentrait, fait la tartia, tartia, tarra, c'est la parole à lui de mettre quoi que ce soit sur sa tête. Par contre, la femme, ce qu'elle a le droit de faire, pour qu'elle, elle garde donc, et pour qu'elle, elle rentre pas dans l'interdiction, ou de dévoiler son visage, c'est qu'elle met donc un voile, qu'elle va mettre au-dessus de sa tête. Donc, elle va partir de derrière, qui va partir de devant. Taïb, comme si elle recouvrait donc d'un grand voile qu'elle va mettre au-dessus de sa tête. Taïb, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien recouvert son visage, mais elle n'a pas resserré derrière. Elle n'a pas resserré derrière. On voit bien la différence. La tachout, ce qu'on appelle ici as-satl. As-satl. Et as-sahir, ce qui est également authentique, c'est que la femme, même si ce voile, il frôle son visage, il se racole à son visage, mafibes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Et on sait que certains, parmi le madhahib, ils interdisent cela. C'est-à-dire qu'on voit que certaines femmes, lorsqu'elles mettent le voile donc qui va recouvrir leur visage, elles mettent une partie devant le front qui va faire que le voile ne va pas se coller à son visage. Et ça c'est le qawl as-sahih, c'est-à-dire que beaucoup de savants, la plupart des savants, ils ont dit, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal que la femme, même si le voile il se colle donc à son visage, le principal c'est qu'elle ne rattache pas par derrière le voile qui va recouvrir son visage. Le principal donc c'est qu'elle le laisse retomber. Elle prend un voile et elle le laisse retomber sur ça. Sur sa tête. هذا هو المقصود بالنقاب للمرأة المحرمة, ce qui est donc interdit. Ensuite, التطيب. Donc la personne également n'a pas le droit de se mettre du parfum lorsqu'elle est en état d'ihram. Ça c'est le cinquième. Et ensuite le sixième et le dernier, عقد النكاح. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de contracter un acte de mariage durant qu'elle est en état de sacralisation. Ensuite, le septième, الجماع. Elle n'a pas le droit également d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, ce qui lui est permis comme femme. Le huitième, le dernier donc, al-mu'ashira dun al-farj, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit également d'avoir des contacts avec sa femme, des contacts intimes avec sa femme, qui sont donc en dehors du sexe. Il y a des attouchements, qui sont même en dehors du sexe, même cela, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire d'autres attouchements, comme le baiser, etc. Ça, c'est prohibé également en étant d'ihram. Et ensuite, le dernier, qui est le neuvième, qatl al-sayd, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, celui qui fait le hajj, de tuer ou de chasser. Donc de tuer un animal, de chasser. Qatl al-sayd. Ça c'est le neuvième. Donc le premier, c'est l'abs al-mahrit al-rijal. Comme on l'a expliqué, donc. On n'a pas le droit de prendre ce qui est confectionné suivant les membres du corps. Ensuite, al-akhd min al-sha'r. Il n'a pas le droit donc de prendre de ses cheveux, de ses poils. Taqlim al-aghafir. Il n'a pas le droit également donc de prendre de ses ongles. Tartiat al-ras, les rijal. Donc l'homme, lui, il n'a pas le droit de se recouvrir la tête. Et la femme, elle n'a pas le droit de mettre le niqab, de manière, donc, elle n'a pas le droit de serrer ce niqab de par derrière sa tête. Comme on l'a expliqué, elle n'a pas le droit de mettre le kuffa, c'est-à-dire les gants. Ensuite, elle tayyub. Donc on n'a pas le droit de se parfumer. Et ensuite, aqd al-nikah, on n'a pas le droit de contracter un acte de mariage. Ensuite, le septième, al-jima', on n'a pas le droit d'avoir un acte sexuel. Ensuite, le huitième, on n'a pas le droit d'avoir d'attouchement avec la femme, ou que ce soit. Et ensuite, le neuvième, qatl al-sayd, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit donc de tuer ou de chasser. Ça, c'est pour ce qui est de l'mahdourat et l'ihram. On a vu qu'il y en avait neuf. Ensuite, pour ce qui est de sunan, elles sont au nombre de sept. On va en donc citer sept, au nombre de sept. Pour ce qui est donc, maintenant des sunan. Et sunan, bien entendu, ce qui est mustahab, ce qui est préférable de faire, et si la personne ne le fait pas, elle n'aura rien par rapport à cela, c'est-à-dire, elle ne sera pas tombée dans le péché, et il n'y aura aucune influence par rapport à son hajj. Et ici, donc, on en cite sept. Le premier, c'est le rousl, inda l'ihram. Au moment où on va se se mettre en état de sacralisation, au moment où on va passer devant le miqat, il est préférable de se laver. C'est pas une obligation. Il est préférable de se laver. Donc, elle rousse. Un d'al-ihram. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, al-talbiya. Ou rafa, saut, biha li-rijal. C'est-à-dire, la talbiya. Talbiya, bil-lam, hein. Talbiya, ou rafa, saut. An yulab bi-ar-rajul. Ou kadaïk al-mar'a. C'est-à-dire, donc, al-talbiya. Donc, de prononcer. Al-talbiya. À partir du moment où il est en état d'ihram, il commence, l'homme, à voix haute, lui, à dire la talbiya. Par contre, la femme, elle l'a dit, mais à voix basse. Pour pas que ça fasse de fitna. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième, elle m'habite, bimina laylat arafa. C'est-à-dire que la personne, elle reste à Mina, c'est-à-dire elle reste la nuit à Mina, durant ce qui rentre dans la nuit de Arafa. Elle m'habite, bimina laylat arafa. Donc, laylat arafa, c'est-à-dire, on sait que la nuit, elle va précéder, il précède le jour, toujours. On va voir le jour de Arafa, et ensuite, on va voir la nuit qui va venir avant. Donc, cette nuit-là, elle m'habite, bimina. On doit rester donc. C'est une sunna, c'est pas une obligation. On reste donc à Mina. On passe la nuit à Mina. Ensuite, le quatrième. Al-Ittiba' inda al-tawaf. C'est-à-dire donc qu'on passe notre ihram, précisément la partie haute. La partie haute qui va recouvrir donc les membres du haut, plus précisément le corps. Donc à ce moment-là, on doit passer l'ihram. Lorsqu'on fait le tawaf, on doit le passer donc sous le bras droit. De façon que la partie droite, l'épaule droite, elle soit donc découverte. C'est ce qu'on appelle al-ittiba. On y reviendra dessus également. Également, parmi les sunnas, ram fil ashwat, al-thalatha, al-ula, tawaf al-qudum. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait le tawaf al-qudum, c'est-à-dire donc, elle fait son premier tawaf, lorsqu'elle vient en umrah, elle doit, durant les trois premiers tawaf, les trois premiers tours donc, où elle doit courir. C'est-à-dire, entre courir rapidement et entre marcher lentement. C'est-à-dire, elle doit s'activer. On pourrait dire courir, mais avec des pas qui sont rapprochés. C'est-à-dire, en état de course, mais avec des pas qui sont rapprochés. Taïb. Ensuite, taqbil al-hajar al-aswad. Oui, la mienne, c'est-à-dire, un shirile. C'est-à-dire, le sixième sunnah, c'est qu'elle embrasse la pierre noire. Et si elle veut pas, donc, elle le fait signe. Elle fait signe, donc, à cette pierre. Ça, c'est également dans les sunnahs. C'est la sixième. Et ensuite, la dernière, la septième. Pour ce qui est de l'ihram, c'est qu'il soit de couleur blanche, que l'ihram soit de couleur blanche. Ça, c'est pour les hommes. Pour ce qui est des nissas, c'est autre chose, bien entendu. Elle s'habille comme elle s'habille, de façon générale, c'est-à-dire ce qui est shara'i, c'est-à-dire des couleurs qui sont sombres, qui n'attirent pas le regard. Par contre, pour ce qui est de l'homme, le mieux pour lui, ça rentre dans les sunnans, c'est que son ihram soit de couleur amiens. Ça en fait ça. On les recite. Elle rousse l'inda l'ihram, donc se laver au moment de l'ihram. Ensuite, talbiya, de dire cette talbiya, et à voix haute pour les hommes. Elle m'habite bimina laylat arafa. On passe donc là, lorsqu'on est dans la nuit de Arafa, qui va précéder le jour de Arafa, on passe cette nuit-là à Mina. Ça, on en est sunnah. Ensuite, al-ittiba' inda al-tawaf. Donc, le fait de passer l'ihram sous le bras droit. Ensuite, al-ram, puis la shwat. C'est-à-dire, les trois premiers tours, on les fait en courant. Et ensuite, taqbil al-hajar al-aswat. Le sixième, donc, embrasser la pierre noire. Et ensuite, le septième. Sunan al-Hajj, qui est en Sunan al-Hajj, que le Ihram, pour les hommes, c'est de couleur blanche. Ah. Ensuite, on va revenir à un point qu'on avait déjà cité, et qu'on va un peu plus détailler pour ce qui est de l'Umra. On avait dit que l'Umra, la parole authentique, la parole la plus sûre, ou l'avis le plus sûr, c'est que l'Umra, c'est une obligation. Une fois, comme le Hajj, dans la vie du musulman et de la musulmane. Et on avait vu comme preuve le verset suivant, qui était fait sur la Surat al-Baqarah, qui était le verset 196, où Allah Azzawajal dit « وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ » ici c'est « بِسِرَةَ الْأَمْرِ وَيُفِيدُ » donc « الْوُجُوبُ » « يُفِيدُ الْوُجُوبُ » c'est-à-dire que le verbe ici « وَأَتِمُّ » c'est l'impératif. Et l'impératif, donc, on sait que il a pour conséquence et il implique l'obligation. Donc, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. On voit que Allah Azza wa Jalla a cité ici le Hajj, il a cité également l'Umra. Donc, c'est une preuve coranique que l'Umra, ça rentre dans les obligations. Également, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le sahabi Abu Razin, radiallahu ta'ala anhu, il était venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui lui avait donc demandé, par rapport à son père, qui était quelqu'un de très vieux et qui n'avait pas la capacité physique de faire Hajj. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce hadith est rapporté par Abu Dawud au Tirmidhi wa Nasa'i. Il est authentifié, notamment par Cheikh Al-Albani, comme a fait Sahih Al-Jami', qui est le hadith numéro 3127. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à Abu Razin, radiallahu ta'ala anhu. Il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Hujja an abik wa a'tamir. Il lui a dit, fais le Hajj donc, pour ton père, et également la Umrah pour ton père. Hujja an abik wa a'tamir. Donc également ça va nous prouver que la Umrah, elle va être au même niveau que le Hajj, pour ce qui est de l'obligation. Pour ceux qui ont dit que ce n'était pas obligatoire, comme l'imam Malik et d'autres, rahmatullah ala al-jami', eux, ils ont pris comme preuve certains hadiths qui en réalité ne sont pas authentiques et qu'on va citer. Et c'est pour ça que Ibn Abd al-Barr, Hafid al-Maghrib, en son temps, qui a dit donc, et qui est bien entendu celui qui expliquait, qui a fait le Takhrij al-Muwatta, et qui a également beaucoup de livres, bien entendu qui s'appelle le Tamhid, et qui a également beaucoup de livres dans le fiqh, comme l'Istithkar, et d'autres encore qui font partie donc des livres précieux de la bibliothèque islamique. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, le grand savant du Maghreb, yani Hafid al-Maghreb de son temps. Il disait donc que tout ce qui était rouya dhalika bi asanid la tasih wa la taqum bi mithliha al-hujja wa la taqum bi mithliha al-hujja. Il disait donc toutes ces chaînes de transmission qui ont été rapportées pour ce qui est de ces hadiths qui vont en réalité apporter comme preuve que la Umrah n'est pas obligatoire, ils ne sont pas authentiques. Et donc on ne peut prendre comme preuve. Parmi ces hadiths, ce qui est rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses Sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Hajj jihad wa al-umratu tatawwa', c'est-à-dire que le Hajj c'est un jihad, wa al-umra c'est quelque chose qui sera obligatoire. Tatawwa' bima'na mustahab. Tatawwa' bima'na mustahab. C'est un hadith en réalité qui est da'if, un hadith qui est faible. Également, un autre hadith qui est rapporté par Jabir radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'une personne est venue voir le prophète sallam, il lui a demandé est-ce que la Umrah c'est obligatoire ou pas. Et le prophète sallam, il a répondu dans ce hadith, la wa anta tamiru fa wa afdal. Il lui a répondu non, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, mais si tu fais la Umrah, ce sera mieux. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses Sunan, mais qui est également un hadith da'if, kama da'afa ou l'imam al-Albani, et d'autres encore. Donc, ça c'est un titre d'exemple des hadiths qui sont da'if et qu'on ne peut prendre comme hujja. À la kulli hal, la parole la plus forte, comme on a dit, c'est que l'umrah, c'est une obligation durant la vie du musulman. Et bien entendu, lorsque la personne, elle fait, comme on verra, il y aura trois sortes de hajj, et lorsqu'elle fait le hajj, tamattu', alors, automatiquement, elle va faire une umrah. Et cette umrah, tayyib, elle va lui être comptée, donc, comme étant la umrah qu'elle a faite dans sa vie, qui lui est obligatoire. Donc, la personne, si elle fait le hajj, tamattu', automatiquement, elle va faire une umrah. Et à ce moment-là, ça va lui être compté. Ça va lui être compté comme la umrah. Donc, elle aura fait la umrah en même temps qu'elle aura fait son hajj en lui-même. Taïb. Également, umdatul qiran. Pour ce qui est de la deuxième partie ou la deuxième catégorie du hajj qui s'appelle le qiran, ala sahih. Sachant qu'il y a un grand irtilaf sur cette question-là. Est-ce que la umrah que l'on fait avec le qiran, est-ce que ça va être compté comme étant la umrah qui est obligatoire ou non? Le qawl sahih, c'est que c'est compté comme tel. Donc, soit la umrah du tamattu' ou la umrah de al-qiran, c'est deux umrah qu'on fait donc durant le hajj, obligatoirement. Si on fait, suivant ces deux catégories de hajj, automatiquement, elles sont donc comptées pour le musulman comme étant la umrah qu'il a été obligé de faire durant sa vie, donc il n'aura pas à le refaire une autre fois. Sauf si, après, ça rentre dans le tatawwa', pour ce qui est mustahab. Ensuite, une autre question, également. Tout ça, c'est bien entendu, ça rentre dans les préliminaires, avant de rentrer dans la lecture du livre du Shir. C'est important à connaître. Pour ce qui est de Ashhur al-Hajj, donc on a parlé plusieurs moments des mois du Hajj. Ces mois du Hajj, on sait qu'Allah Azzawajal, il nous dit dans son Coran, al-Hajju Ashhur ma'lumat, c'est-à-dire que le pèlerinage se fait donc durant des mois bien précis, ashhurun ma'lumat, des mois qui sont précis, qui sont connus, ma'lumat, ashhurun ma'lumat. Les savants donc, ils se sont divisés quant à la compréhension du terme ashhurun ma'lumat. Qu'est-ce qui va rentrer donc dans ces mois? sachant que ces trois mois, ils sont Shawwal, donc le mois qui est tout de suite après le mois du Ramadan, c'est-à-dire que Laylatul Eid, lorsque le lendemain on sait que c'est l'Eid, durant cette Layla, durant cette nuit, on vient de rentrer dans les mois du Hajj. Parce que ce sera le premier de Shawwal. Ce sera le premier de Shawwal. Et donc cette Layl, cette nuit-là, Laylatul Eid, ce sera la première nuit de Shawwal. Et donc à ce moment-là, on va rentrer dans les mois du Hajj. Donc c'est Shawwal, bil-ittifaq. Et c'est également le mois qui suit Dhul-Qi'da, bil-ittifaq également. Et ensuite, là où il y a la divergence, c'est pour ce qui est de Dhul-Hijjah. Il y a parmi les savants ceux qui ont dit que c'est Dhul-Hijjah complet. C'est-à-dire donc, Dhul-Hijjah du premier jusqu'au dernier jour de Dhul-Hijjah, ça reste les mois du Hajj. Et ça c'est la parole de l'imam Malik, rahimallahu ta'ala. Et pourquoi? Parce que lorsqu'Allah Azzajil a dit Ashurum Ma'lumat, Ashur, qui est le pluriel de Shahr, Ashur, c'est un pluriel. Et on sait que le minimum pour que on ait un pluriel dans la langue arabe, il faut que ce soit trois. Si on aurait par exemple deux, c'est pas un pluriel dans la langue arabe, deux. Le minimum en langue arabe pour que on dise un pluriel, il faut que ce soit trois. Taïb. À titre d'exemple, on dit une personne, Rajoul. Mais si on veut plusieurs personnes, on dit Arrijal, automatiquement il faut qu'il y en a trois. Sinon, s'il y aurait eu deux personnes, on aurait dit Rajoulan. On aurait dit Rajoulan. Et nous, donc, en langue arabe, on fait bien la différence. On fait bien la différence entre un et deux, et ensuite, El Jam. Ensuite vient le pluriel. Donc, on a pour exprimer le un, on a pour exprimer le deux, le duel. Et ensuite, on a pour exprimer le jam. Donc le minimum pour le jam, c'est 3. C'est 3. Donc c'est à partir de cette argumentation que l'imam Malik, il a vu que Dhul-Hijjah, il était complet. Et qu'automatiquement, on devait citer ces 3 mois. Que ces 3 mois complètement, ils rentraient dans les mois du Hajj. Pour ce qui est de la parole d'autres savants, ils ont vu que pour ce qui était de Dhul-Hijjah, c'était les 10 premiers jours uniquement. Et qu'ensuite, les 10 premiers jours, il y en a 10 min Dhul-Hijjah. Après les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, on n'était plus dans les mois du Hajj. On n'était plus dans les mois du Hajj. Taïb. Et d'autres, ils ont dit, comme l'imam Shafi'i, rahimullah, ils ont dit que le dernier jour des mois du Hajj, c'était la dernière nuit de Al-Nahr. Akhiru laylat Al-Nahr. C'est-à-dire donc, Al-Nahr, qui est bien entendu, le jour où on va sacrifier, la journée du sacrifice. L'imam Shafi'i, il voyait que Akhir al-Laylat al-Nahr, c'était donc le dernier moment des mois du Hajj, des mois du Hajj, Ashurul Hajj. Mais pour ce qui est de cette parole-là, comme l'ont rappelé beaucoup de savants, ils ont rappelé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, ou Mu'allaq inda al-Bukhari, et qui est authentifié par Sheikh al-Albani, fi Sahih al-Jami'a, qui est le hadith 8191, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole, Yom al-Hajj al-Akbar, Yom al-Nahr. Yom al-Hajj al-Akbar, Yom al-Nahr. C'est-à-dire le jour du grand Hajj, Yom al-Hajj al-Akbar, c'est Yom al-Nahr. C'est le jour donc du sacrifice. Et donc les savants, ils ont répondu, comment peut-on dire donc que le jour du sacrifice ne va pas rentrer dans les jours des mois du pèlerinage, alors que c'est donc un des plus grands actes que l'on fait durant le mois durant le pèlerinage. Taïb. Et pour ce qui est bien entendu de ce qui va être le plus proche pour Allah Ta'ala Alam, c'est la parole de l'imam Malik. Ce sont les 3 mois. Il va avoir donc des conséquences par rapport à cet irtilaf. Et donc malgré cela, même ceux qui ont dit que c'était uniquement Ashurul Min Dhul-Hijjah, que c'était les 10 premiers jours uniquement de Dhul-Hijjah, ils vont voir que même si la personne fait des actes après, qui rentrent dans des actes du pèlerinage, ça va quand même être compté. Donc on voit que, en réalité, de dire que les mois, ce sont Shawwal, Dhul-Qa'da ou Dhul-Hijjah, 3 mois complets, c'est bien donc les 3 mois du Hajj. Et pour donc dire les conséquences que ça peut avoir entre eux, donc les deux avis, c'est tout simplement une personne qui va faire le tawaf al-ifada. On sait que la personne elle peut retarder tawaf par exemple al-ifada ou al-sa'i, et qu'elle le fait donc après le 10 min Dhul-Hijjah. Est-ce que cette personne-là a fait cet acte-là durant les mois du Hajj ou pas? Donc, suivant la parole de l'imam Malik, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont dit que c'était uniquement Asha, ils vont dire non. Mais malgré cela, on va voir que la plupart vont dire que c'est quand même acceptable. Alors, Kulli Hal, pour ce qui est des mois du Hajj, ce sont donc ces 3 mois. Shawwal, Al-Qa'da, Ashumin al-Hijjah. Et bien entendu, ici, pour bien comprendre, lorsqu'on dit Ashur al-Hajj, si par exemple une personne, Laylat al-Aïd, Yatuharim, c'est-à-dire donc, elle fait son Ihram, et elle devient, en état de sacralisation, la nuit du Aïd, donc la nuit du premier de Shawwal. Alors, à ce moment-là, et bien entendu, Tahzim al-Hajj, Tayyib, alors à ce moment-là, il va bel et bien entrer, son Hajj va devenir pour lui donc une obligation, bien entendu. Par contre, une personne, elle ne peut pas l'Yuharim al-Hajj avant cela, c'est-à-dire avant ces mois-là. Il faut automatiquement que ça commence à partir du premier du mois de Shawwal, pour qu'elle puisse faire son Ihram et ensuite partir donc à la Mecque. Si par exemple elle est Mutamattir, si par exemple elle est Mutamattir, donc elle va faire à ce moment-là, le premier jour de Shawwal, Yatuharim al-Umrah wal-Hajj, c'est-à-dire pour sa Umrah. Ensuite, elle part donc faire sa Umrah, le premier du Shawwal, et ensuite elle reste à Mecca, jusqu'à, elle se désacralise bien entendu en tant que Tamattu, et ensuite elle reste jusqu'à le début donc du Hajj. Et ensuite donc elle fera donc son Ihram à ce moment-là. Et tout, durant toute cette période donc, elle sera bien durant les mois du Hajj, ça lui sera compté comme tel. On voit que c'est ici là, différence. Par contre, si une personne elle fait l'Ihram avant Laylatul Aïd, c'est-à-dire le dernier jour du Ramadan, ça va donc, cette Umrah, ça va être rentré dans une Umrah que l'on va faire durant le mois du Ramadan, et ça rentre pas comme étant une Umrah qui rentre dans le Hajj ici en état de Tamattu' ou de Qiran. De même si la personne, elle est moufride uniquement, c'est-à-dire qu'elle fait uniquement donc le Hajj, et que donc elle passe à Mecca, et qu'elle fait l'Ihram pour le Hajj en moufride, c'est-à-dire uniquement le Hajj en lui-même, sans qu'il y ait de Umrah avec lui. Comme on le verra, comme on expliquera également les catégories. Alors à ce moment-là, également, cette personne-là, Tayyib, ou Mulzim bil Hajj, c'est-à-dire il devient donc obligatoire qu'il fasse ce Hajj-là, et toute cette période-là, il sera bel et bien en état donc de sacralisation pour celui qui est moufrit, jusqu'à que vient donc les premiers temps du Hajj. Du Hajj en lui-même, c'est-à-dire des actes du Hajj. Ça donc, c'était pour les préliminaires. C'était bien de le savoir, donc de connaître le hukm par rapport à l'Umrah, de connaître ce que était Ashur al-Hajj et ce que ça avait comme conséquence, également de connaître al-Arkan de façon synthétique, c'est-à-dire de faire une synthèse pour ce qui était des Arkan al-Wajibat et pour ce qui était également des Sunan, etc., le Shurut, ce qu'on a cité, et également ce qu'on avait cité par rapport donc au hukm al-Hajj. Et également Fadail al-Hajj, tout ceci donc, ces deux premiers cours, c'est pour une introduction à la lecture du livre, et pour que ce soit ensuite plus facile. Taïb, on va commencer donc à lire Idnillahi ta'ala Nas al-Risala. Donc on va commencer à lire l'écrit, le texte même du Cheikh de l'Islam. Fayaqul rahimallah ta'ala Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nasta'hdi wa nasta'ghfir ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات على سبيل الاختصار فإني كنت قد كتبت من سكن في أوائل عمره فذكرت في أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبل من العلماء وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh va nous dire dans un premier temps que on lui a demandé à plusieurs fois, il y a plusieurs musulmans, beaucoup de musulmans qui lui ont demandé d'écrire un éclaircissement sur les lois donc et les règles de jurisprudence du rite du pèlerinage. Est-ce que le hujjaj, ce que les pèlerins doivent connaître principalement, et ceci bien entendu à la sabil al-ikhtisar, c'est-à-dire que ce soit de manière résumée. Donc, on sait à partir de là, ce que l'on va lire de Cheikh al-Islam, ça va être un résumé. Ça va être un concentré. On sait que Cheikh al-Islam, d'habitude, lorsqu'il écrit des livres, et lorsqu'il traite de questions, on sait qu'il s'élargit beaucoup, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On l'a vu, à plusieurs reprises, C'est-à-dire qu'il va parler d'un sujet, il va partir sur un autre sujet, ensuite il va revenir sur le sujet qu'il est en train de traiter, etc. Et là, alors que là, bien entendu, il va se concentrer uniquement sur le hajj et ce qu'ont besoin les al-hujjaj de manière globale et dans les temps principaux. Dans les temps principaux. Alors que, au début de sa vie, il nous rappelle, sur Al-Islam, qu'il avait déjà écrit un livre concernant donc le rite du hajj, et donc concernant les règles de jurisprudence du rite du hajj. Et qu'il avait donc rappelé beaucoup des invocations que l'on doit dire durant ce hajj. Donc on voit que c'était plutôt mutawwal, c'est-à-dire plus long, et qu'il avait suivi dans cela, c'est-à-dire dans la citation et dans l'argumentation des règles, il avait suivi dans cela donc ceux qui l'ont précédé parmi les savants. Et donc le shir, lui, il va donc écrire maintenant ce qui va donc lui apparaître par rapport donc à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va le faire, comme il a dit, de manière muhtasar, c'est-à-dire il va le faire de manière concise, de manière résumée. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. On va ensuite cette doigt du shir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il nous dit fasl. On va avoir donc des fusul. Il va donc avoir des chapitres sans qu'il y ait de titre, mais pour différencier entre chaque sujet traité. Et on va voir, bien entendu, que le texte est écrit suivant le fil des actes, c'est-à-dire en ordre, que l'on va accomplir durant le hajj. Et donc c'est normal qu'il va commencer à nous dire ce que l'on doit faire déjà avant même de commencer le hajj ou l'umra. Et donc il nous dit, rahimallah, « Awwalu ma yaf'aluhu qasidu al-hajj wa al-umra » إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد الحج والعمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فلا وجر سعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. Donc il nous dit que la première chose que doit faire, que celui qui l'intention de faire le hajj ou l'umra, qasid al-hajj wa al-umra, celui donc qui a le qasd, qui a l'intention, qui a la volonté de faire le hajj ou l'umra, idha arada ad-dukhula fihima an yuhrima bidhalik, c'est-à-dire donc qu'il se met en état de sacralisation avant même de rentrer dans le hajj et dans la umra. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire, celui qui veut faire le hajj ou l'umra. Wa qabla dhalik fa wa qasid al-hajj wa al-umra. Ou l'umra. C'est-à-dire, même avant qu'il commence le hajj, même avant qu'il commence l'umra, et même avant qu'il fasse l'état de sacralisation à l'ihram, wa qasid. C'est-à-dire qu'il a déjà cette volonté du hajj ou de l'umra. Donc on voit bien que, avoir la volonté, c'est-à-dire un niya, avoir cette niya de faire le hajj ou l'umra, c'est pas au moment où on doit faire l'ihram en lui-même. Mais cette niya, on l'a déjà depuis le début de notre voyage. Depuis le début où on a vu cette niya de faire le hajj ou l'umra, depuis le moment où on franchit la porte de notre maison pour se diriger donc vers la terre sainte pour accomplir cette obligation de l'islam. À ce moment-là, on a déjà cette niya pour faire, on a déjà ce qasd pour faire le hajj ou l'umra. ولم يدخل فيما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فلو أجر سعي. Il va faire une comparaison, le shir, ici. Comme la personne qui va sortir pour faire la prière du Jumu'ah. Au moment où il sort de sa maison, qu'il a fait l'odo, et au moment qu'il a fait son rouz, qu'il a fait l'odo, et qu'il est parti en direction de la mosquée pour faire et pour accomplir la prière du Jumu'ah, il a la récompense du sa'i, c'est-à-dire qu'il va avoir la récompense de son parcours jusqu'à la mosquée. Et on sait, comme dans le hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ightasala yawm al-jum'ah ghassala al-janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanahu wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqara. Le hadith, c'est celui donc qui a fait al-ightisal, qui s'est lavé le jour du vendredi, ce lavage que l'on doit faire, qui est le lavage bien entendu religieux, le même lavage que l'on fait lorsqu'on se lave donc du al-janabah, de l'impureté majeure, et qu'ensuite donc il part, c'est comme si donc il avait sacrifié badana, yani qarraba badana, etc. Ensuite donc le hadith. Donc on voit ici que la personne elle ajr du sa'i, alors qu'elle n'est même pas rentrée dans la prière du Jumu'ah. De même pour celui qui va faire le hajj ou l'umra, il a déjà donc une récompense au moment où il sort du palais de sa maison pour accomplir ce hajj et sa umra, alors qu'il n'est même pas encore en état d'ihram, il n'est même pas arrivé jusqu'au miqat. Mais durant tout ce temps, il a quand même la récompense, car il part avec cette niya là, cette niya qu'il a donc, ou ce qast qu'il a pour faire le hajj ou l'umra. De même, c'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas rentrée encore. C'est-à-dire pour celui maintenant qui fait la prière du Jumu'ah, il n'est pas rentré encore dans la prière du Jumu'ah sans qu'il ait fait donc le takbir, takbir al-ihram. Tant qu'il n'a pas fait takbir al-ihram, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué dans le hadith qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres, qui est un hadith hassan, où il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat al-tahur, wa tahrimuha al-takbir, wa tahrimuha al-takbir. C'est-à-dire que au moment où il rentre réellement dans la prière, c'est le moment où il fait le takbir, ce qu'on appelle takbir al-ihram. On voit les mêmes termes ici qui sont employés, al-ihram, takbir al-ihram, c'est-à-dire yani wa tahrim wa takbir. C'est-à-dire lorsqu'on dit tahrim, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il rentre dans la prière, il n'a plus le droit de faire des choses qui lui étaient permises auparavant. De même, pour ce qui est du hajj et de la umra, au moment où il rentre dans l'ihram, et donc au moment où il rentre réellement dans son hajj, dans sa umra, ou dans sa umra, il ne pourra plus faire ce qu'il pouvait faire avant. C'est pour ça qu'on appelle ça ihram également. Taïb, qui prend le même terme lorsqu'on dit takbir et l'ihram. Wala yadkhul fi salat hatta yahrim biha. C'est-à-dire, tant qu'il a fait takbir et l'ihram, il n'est pas encore entré dans sa prière. Alors que, il a déjà la récompense depuis qu'il est sorti de chez lui. De même pour ce qui est de l'hajj ou l'umra. C'est tout simplement la parole ici du cheikh l'islam. Et, on va voir que beaucoup de savants, ils vont nous rappeler qu'il incombe aux musulmans, avant donc qu'ils commencent de faire ce hajj, cette umra, qu'il fasse le tawbah de ses péchés. Qu'il fasse la tawbah de ses péchés, c'est-à-dire le repentir de ses péchés. Et on sait, et on a déjà vu durant les cours précédents, les conditions du repentir pour qu'il soit accepté. Et donc la personne sait ce qu'elle doit faire avant de partir pour son hajj, pour sa umra, avant même qu'elle prenne l'avion, qu'elle se déplace. Il faut qu'elle fasse cette tawbah sincère envers Allah Azzawajal. Il faut qu'elle fasse cette tawbah. Et on sait qu'Allah Azzawajal dit « Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Allah Azzawajal, il accepte donc les actes de ceux qui sont pieux. « Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Et donc la personne également, lorsqu'elle va faire son umra, son hajj, pour que ce soit une umra, un hajj qui soit mabrour, qui soit accepté à tout point de vue, il faut qu'elle fasse la tawbah. Il faut qu'elle fasse le repentir de ses péchés avant qu'elle parte faire ce hajj ou alors cette umra. C'est-à-dire au moment où il va arriver à ce qu'on appelle al-miqat. Al-miqat. Al-miqat, que l'on peut traduire comme étant une limite. Taïb, on sait qu'al-miqat, ça peut être un miqat par rapport à un temps, ou alors par rapport à un lieu. Par rapport à un temps, miqat zamani ou miqat makani. Zamani ou makani. Miqat zamani ou miqat makani. Ici, le maqsoud, ou al-miqat al-makani. Al-miqat al-makani, c'est-à-dire donc cette limite au niveau du lieu. Cette limite au niveau du lieu. Donc c'est ce qu'on appelle al-miqat. C'est-à-dire qu'au moment où la personne qui a l'intention du hajj et de la umra, à ce moment-là, lorsqu'elle passe à ce miqat-là, elle passe devant cette limite-là, à ce moment-là, elle doit devenir muhrim. La budda min al-ihram. Elle doit devenir muhrim. C'est pour ça qu'il dit wa alayhi idha wasala ila al-miqat an yuhrim. Et lorsqu'on dit bien entendu al-ihram, il ne faut pas comprendre par cela que c'est prendre comme habit ce qu'on appelle al-ihram, ce qu'on appelle également nous al-ihram, c'est-à-dire les deux tissus qui vont nous couvrir durant toute notre umra ou alors notre hajj. Taïb, ça rentre dans le wajibat. Ça rentre en réalité dans le wajibat, comme on a vu. On voit ici la différence. Par contre, l'ihram en lui-même, avec la niya de l'ihram, à ce moment-là, ça c'est ce qui va rentrer dans al-arkan. Donc ça c'est bel et bien donc al-rukn. Ça va bel et bien être ici al-rukn, c'est-à-dire donc le pilier. Et c'est pour ça que il nous est permis, et comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre notre habit d'ihram au moment où on sort chez nous. C'est par exemple une personne faisant le hajj ou la umra de France. Au moment où elle sort chez elle, elle a déjà mis ses habits de umra ou de hajj, c'est-à-dire dans son ihram, ses deux pièces de tissu. Là, ben, c'est affiché. Et ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses sahabes. Donc, il n'y a rien de mal par rapport à cela, que la personne, elle habille ses habits-là, avant même qu'elle ait atteint donc le miqat. Avant même qu'elle ait atteint donc le miqat. Et pour qu'elle devienne bien entendu muhrim, ça se passe au niveau de la niya donc. C'est à ce moment-là. Elle a la niya de faire le hajj ou l'umra. À ce moment-là, khalas, elle rentre dans le hajj ou l'umra. C'est-à-dire cette niya de l'accomplissement. À ce moment-là du hajj et de la umra. De rentrer fin nusuk. De rentrer donc dans le rythme même. La niya de rentrer à ce moment-là dans le rythme même du hajj ou de la umra. Donc la différence qu'il y a entre la niya qu'on a de faire le hajj ou la umra qu'on a déjà depuis. On est parti ça. Ici c'est la niya de rentrer même dans le rythme même. Taïb. Et c'est pour ça que il faut à ce moment-là soit une parole ou alors soit un acte pour qu'on devienne muhrim. En plus de cette niya qui accompagne donc cette niya. C'est pour ça que si la personne à ce moment-là, elle fait cette niya, elle a cette attention à ce moment-là parce qu'elle est au miqat. Et qu'ensuite, à titre d'exemple, elle dit une parole, par exemple talbiya, labbaik Allahumma labbaik, etc. Donc si elle dit simplement cette talbiya, à ce moment-là, elle devient muhrim. À ce moment-là, donc, elle devient muhrim. À ce moment-là, donc, elle accomplit son rukn. Et à ce moment-là, elle devient en état de sacralisation. Donc, elle a fait un acte, ici une parole, et en plus de sa niya, à partir de là, elle est devenue muhrim. Et même si elle s'est déjà revêtue de son ihram, comme on l'a vu, c'est-à-dire de ses habits qui sont propres à l'ihram, auparavant. Donc, c'est bien une différence ici qu'il y a à faire entre le qasd, ou la niya, et l'ihram. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب